Il dit à moi, ma fée si, ma fée ça. Est-elle la vie à moi sans mettre si parking jumbo hier soir? Non, mais ça t'est pas moi. Mité pour craser sommeil, la case ou peu demande mon voisin. Ma boîte le tout somme lit, m'a fini dans mon lit et passé des notes. Austin, Austin, écoute même la blague Jocelyn. Mité pas là, il a pas vu là, je t'entends. Dieu basse, mité préfère Malbarès. Mais comme ma vie à ou la tête de fêter la braise. Affole pas mille chrétiens, oui, mille et un gars la messe. Biama ou ma vaine, mais mette pas moi la laisse. Très zen. Ton mon la pour faire comme Eras. Tu veux puis toi n'a pas de base ou t'es pas moins ou t'es un garakage. La fait joli visage, en famille est bonne image. Il est obligé faire blague. Parce que dans oui n'a pas bataille. Pas bataille. Pas bataille. Yeah, yeah. Parce que dans oui n'a pas bataille. Pas oui. Pas bataille. Pas bataille. On a raison dominator, donc laisse béton. Quitte des cimetières ou laisse béton. Parce que dans oui n'a pas bataille. Pas bataille. T'es mon Dieu Seigneur. Avant mi plus dans tout ça la main, mi ça pue la pousse à bas moi. Chaque fois mi rebelle donne point, n'a toujours un couillon pousse ta pas maman. Une copine mon forme au lieu baiser. Il a dit ça les vrais, il a pas vu ça les noms. Que les vrais ou que les faux, si son copain a dit vraiment. Ok, calme, calme, mon cafri. Nous n'a raison tout ton film. Les bons ou la gagné, ma veille, maman, il va gâter. Sinon, mi gagne pas rien, trappe ses pieds, ma passe balai. Cause mi saute tous les jours ou dit c'est elle, laissez aller. Mais quand frime ça l'a pas moral, pas la racine va gâter. Moi la fatigue râle, pas ton donne l'augmentation. Oui, les beaux. Maman, il a eu demande cadeau, mi t'oblige, dit. Oui, les beaux. Pas moyen, répète un peu le son voisin, la dit baisse. Crie pas trop, mi connaît ton maîtresse. Ok, donne, oui, n'a pas bataille. Pas bataille, pas bataille, yeah, yeah. Parce que dans oui n'a pas bataille. Ah oui, pas bataille, pas bataille. On a raison dominator, donc laisse béton. Quitte des cimetières ou laisse béton. Parce que dans oui n'a pas bataille. Pas bataille. T'es mon Dieu Seigneur. Arrive les mi demande à moi si la pas moi la pas bon. Que mi fait parler pareil même. Mon voisin il aime pas moins, la glace salte si barreau. Et là l'irode des solutions pour faire à moi même. Quand les voisins à moi, les dit vous les bien. Ben oui, si vous êtes la cible des cimes, la pas éteint. Assez, assez, casse à moi les culminants. Trappé, mettre sec si la corde m'a ramassé. Pap, pap, pap. Ote Abdoul Kosa il dit Lélé là. Mine n'a fait pour demander que l'air il est là. Ou pour une fois ces temps-ci. C'est ça oui. Wa. Ah, ou connaît. C'est pas une vape. Déroule tapis rouge, n'est n'a pas le masque. Mi débarque pas comme un, mi débarque parce que j'ai comme moi, c'est tout venu. Parce que dans oui n'a pas bataille. Pas bataille. Pas bataille. Yeah, yeah. Parce que dans oui n'a pas bataille. Ah oui. Pas bataille. Pas bataille. On a raison dominator, donc laisse béton. Quitte des cimetières ou laisse béton. Parce que dans oui n'a pas bataille. Pas bataille. T'es mon Dieu Seigneur.